J'écris mes textes à l'encre d'Afrique et menotté. Jean baissé, j'peux pas mettre de high kick. 38 chargé sur le côté. Le vigile me suit dans le magasin. Il a raison, il me connaît. Sinistre, négro et sarrasin. Boule à zéro sous le bonnet. Le malheur est dans le béton. Le bonheur est dans le pré. C'est cafard, on est dans le béton. La 090 est dans le pré. J'boxe avec les mots. Mohamed Ali m'a couronné. J'suis dans le turf, j'suis ni de Miami ni Boulogne. Mon ciel est noir, j'vais demander à Bolloré de le colorer. Quelques boutiques de Silas, à rue du Faubourg Saint-Honoré. T'es string et j'suis culotté. J'suis une tonne de bédo, t'es un kiloté. Si t'es un avion de chasse, on va se cracher, c'est sûr, j'sais pas piloter. Claque sur le boule, elle me suce quand elle roule. Cagoule sur le genou, j'prends du Michael Young. Que Dieu me bénisse, d'être sans me laisser. Que Dieu me bénisse, d'être sans me laisser. Que Dieu me bénisse, d'être sans me laisser. Prochaine de rappeur Asmin pour le Missouri. Y'a ton arrière-grand-mère la pute qui sait pas qui je suis. Que passe au héros des poutons? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as une petite mine. Fais pas le fou sur IG, sur Snap, fais pas le fou sur Twitter, je te mime. Je suis né quand les colons ont marché sur Pékin. L'union fait la part, demande aux victimes. Je ne tue pas les marmots, je suis un chic. Que des numéros où nous mon équipe. Barbe noire, digne corsaire. Cours de promenade, hélicoptère. Duo armé sur le Hornet. Niggas affamés sur le corner. Vitesse lumière sur la voie 7. J'aimerais pas mon prochain. Fais le fou avec moi dans un cochon. J'suis au KLM sur la croisette. Trouve-moi dans le turf et je ne suis pas de ce monde. J'passe de 0 à 100 en moins de 4 secondes. Y'a même plus de repas tellement elle est haute. Que Dieu me punisse d'être comme les autres. Tu te sous toute la nuit ta ragnagna. T'es fraîche comme la meuf à Sanya. Chargeur en forme de banana. J'suis comme s'il n'y avait pas de manana. Que Dieu me bénisse d'être comme les choses. Que Dieu me bénisse d'être comme les choses. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse d'être comme les choses. Que Dieu me bénisse d'être comme les choses. Je vais rentrer dans leur boue. Pas dans leur monde, comme l'aurait souhaité un présent. Allah et Rahmou. Heaven 7, Heaven 7, Heaven 7. Que Dieu me punisse. Qu'il me punisse d'être comme un. Qu'il me punisse, punisse d'être comme un homme. Que Dieu me punisse, que Dieu me punisse. Être comme un agent. Non. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse d'être comme un agent. Qu'il me bénisse être comme un. Être comme un. Qu'il me bénisse. D'être comme un agent. Que Dieu me bénisse. Y'a ton arrière-grand-mère la pute qui sait pas qui je suis.